Les grands signes de la fin des temps. L'ordre chronologique des grands signes de l'heure. Je n'ai trouvé aucun texte clair montrant un ordre chronologique des grands signes de la fin des temps. Ils ont été cités dans les hadiths de manière groupée sans ordre précis, car l'ordre dans leur mention n'implique pas leur ordre dans la chronologie. Ils ont été liés par la conjonction de coordination « et », ce qui n'implique pas d'ordre non plus. Il y a certains textes dont l'ordre diffère de celui dans un autre. Afin de démontrer cela, j'en citerai quelques exemples en exposant certains hadiths mentionnant les grands signes dans l'ensemble ou quelques-uns. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte selon Hudhayfa ibn Asid al-Ghifari, radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous trouva tandis que nous nous entretenions. Il demanda, « De quoi vous entretenez-vous ? » « Nous nous entretenons au sujet de l'heure, » répondirent-ils. Il répliqua, « Elle ne viendra que lorsque vous verrez avant elle 10 signes. » Il évoqua la fumée, le faux messie, la bête, le lever du soleil de son couchant, la descente de Isa ibn Maryam, Ya'juj et Ma'juj, et 3 engloutissements par la terre, un engloutissement en Orient, un en Occident et un dans la péninsule arabique. Et le dernier de tout cela est un feu qui sortira du Yémen, repoussant les gens vers leur lieu de rassemblement. Muslim, rahimahullah, rapporte ce hadith toujours d'après Hudhayfa ibn Asid, en d'autres termes. L'heure n'aura pas lieu jusqu'à ce qu'il y ait 10 signes. Un engloutissement en Orient, un engloutissement en Occident et un engloutissement dans la péninsule arabique. La fumée, le faux messie, la bête issue de la terre, Ya'juj et Ma'juj, le lever du soleil de son couchant, et un feu qui sortira du fond de Aden chassant les gens. Dans une autre version encore, et le 10e est la descente de Isa ibn Maryam. Voici un même hadith rapporté par un même compagnon exposant des termes différents quant à l'ordre des signes. Abu Huraira radiallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant 6 choses. Le lever du soleil de son couchant, la fumée, le faux messie, la bête, votre affaire personnelle, la mort, ou encore l'affaire générale, la résurrection. » Dans une autre variante, selon Abu Huraira, radiallahu an aussi, « Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant 6 choses. Le faux messie, la fumée, la bête issue de la terre, le lever du soleil de son couchant, l'affaire générale ou encore votre petite affaire personnelle. » C'est aussi un même hadith rapporté par un même compagnon en des termes différents dans l'ordre de certains grands signes et dans la conjonction de coordination puisque c'est « ou » qui figure dans l'un et « et » qui figure dans l'autre. Ceci n'impliquant pas d'ordre chronologique. Ce qu'il est possible de savoir, c'est l'ordre chronologique de certains signes venant à la suite d'autres, comme cela est exposé dans certaines versions. Tel le hadith rapporté par An-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu an, comme nous le verrons bientôt, incha'Allah. Certains signes y sont cités dans un ordre en fonction de leur arrivée. Ainsi, il est cité premièrement l'apparition du faux messie, puis la descente de Isa alayhi salam pour le tuer, puis l'apparition de Ya'juj et Ma'juj à l'époque de Isa alayhi salam et son invocation contre eux pour qu'ils soient anéantis. De même, dans certaines versions, il est question que le premier des grands signes est tel signe et dans d'autres tel autre signe. Malgré cela, il y a divergence entre les savants au sujet du premier signe, divergence qui existe depuis l'époque des compagnons, radiyallahu anhum. Abu Zur'a rapporte, 3 groupes de musulmans prirent place dans l'assemblée de Marwan ibn al-Hakam à Médine. Ils l'entendirent en parlant des signes dire que le premier est l'apparition du faux messie. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, dit alors, Marwan n'a rien dit. J'ai retenu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un hadith que je n'oublierai jamais. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Certes, le premier des signes à apparaître est le lever du soleil de son couchant et la sortie de la bête aux gens en matinée. Quel que soit celui des deux qui précédera l'autre, le suivant le suivra de très près. » Ces termes sont ceux de Muslim. L'imam Ahmed rahimahullah rajoute dans sa version « Abdullah dit, alors qu'il lisait des livres, « Je crois que le premier à apparaître est le lever du soleil de son couchant. » L'érudit Ibn Hajar, rahimahullah, fait la conciliation entre la primarité du faux messie et celle du lever du soleil de son couchant et dit « Ce qui est déductible de l'ensemble des informations est que l'apparition du faux messie est le premier des signes majeurs annonçant les changements généraux dans toute la terre et se terminant avec la mort de Isa alayhi salam, et que le lever du soleil de l'ouest est le premier des signes majeurs annonçant les changements au niveau du monde céleste et se terminant avec la venue de l'heure. Aussi, il se peut que l'apparition de la bête se fasse le même jour que celui où le soleil se lèvera de l'ouest. » Il dit ensuite, « La raison en cela est que lors du lever du soleil de son couchant, la porte du repentir sera fermée. Alors la bête sortira et différenciera le croyant du mécréant, achevant ainsi le but final de la fermeture de la porte du repentir. Et le premier des signes annonçant la venue de l'heure est le feu qui rassemblera les gens. » L'érudit Ibn Kathir, rahimahullah, pense que la sortie de la bête est le premier des signes terrestres qui n'est pas commun. En effet, la bête qui parle aux gens et distingue le croyant du mécréant est une chose contraire à la nature habituelle. Quant au lever du soleil de son couchant, c'est une chose vraiment époustouflante. C'est le premier des signes célestes. Quant à l'apparition du faux messie, la descente de Isa ibn Maryam, alayhi salam, du ciel, et la sortie de Ya'juj et Ma'juj, même si cela se produit avant la levée du soleil de son couchant et avant la sortie de la bête, il n'en reste pas moins que ce sont des humains. Les voir, eux et leurs semblables, est chose habituelle. Contrairement à l'apparition de la bête et le lever du soleil de son couchant, ce ne sont pas des choses courantes. Toutefois, il semble que l'avis d'Ibn Hajar, rahimahullah, est celui qui est à considérer. Car l'apparition du faux messie en tant qu'humain n'est pas le signe, c'est plutôt son apparition et ses agissements, malgré qu'il soit humain, à savoir qu'il ordonne au ciel de pleuvoir qui s'exécute, à la terre de faire pousser la végétation qui le fait, et qu'il aura ceci et cela à sa disposition qui n'est guère habituel, comme nous le verrons lorsque nous parlerons du faux messie. En réalité, le faux messie est le premier des signes terrestres qui n'est pas commun. At-Tibi, rahimahullah, dit « Les signes sont des événements annonciateurs de l'heure, soit de sa proximité, soit de sa venue. Parmi ceux de la première partie, le faux messie, la descente de Isa, Ya'juj et Ma'juj, et les engloutissements. Parmi ceux de la seconde partie, la fumée, le lever du soleil de son couchant, la sortie de la bête et le feu qui rassemblera les gens. » Il s'agit d'un classement fait entre une partie des signes et une autre, sans toutefois donner un ordre précis pour chaque partie, quoique je crois qu'At-Tibi, rahimahullah, conçoit l'ordre chronologique des signes suivant ce qu'il a cité dans chaque partie. Ce classement qu'il a adopté est juste et précis, car l'apparition de la première partie, synonyme de la proximité imminente de l'heure, est une alerte faite aux gens pour qu'ils se repentent et reviennent vers leur Seigneur. Il n'y aura pas encore de distinction entre le croyant et le mécréant. Aussi, les signes qu'il a cités dans la première partie suivent un ordre dans leur chronologie comme je l'ai déjà dit. Il y a rajouté les trois engloutissements et cela leur convient bien. Par contre, pour la seconde partie qui est synonyme de la venue de l'heure, on distinguera le croyant du mécréant, comme nous le verrons. Lorsque la fumée apparaîtra, le croyant sera atteint par une sorte de rhume, tandis que le mécréant gonflera à cause de la fumée. Ensuite, le soleil se lèvera de son couchant, la porte du repentir sera fermée et la croyance du mécréant ne lui sera plus utile ni le repentir du repenti. Puis, la bête sortira et distinguera les gens. On reconnaîtra le mécréant du croyant, car elle fera resplendir le visage du croyant et musellera le mécréant, comme nous le verrons. Enfin, il y aura le feu qui rassemblera les gens. J'ai moi-même classé les grands signes de la fin des temps suivant ce classement qu'a cité At-Tibi, rahimahullah, car selon moi, il est plus proche de la vérité et Allah est plus savant. Avant de parler de ces 10 grands signes, j'ai mentionné le Mahdi, car son apparition précédera ces signes. C'est autour de lui que les croyants se rassembleront pour combattre le faux messie, puis Isa alayhi salam descendra et priera derrière lui, comme nous le verrons prochainement, incha'Allah. La succession des grands signes. Lorsque le premier des grands signes apparaîtra, les autres suivront comme se suivent les perles d'un collier. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit L'apparition des signes se fera l'un à la suite de l'autre. Ils se suivront comme se suivent les perles d'un collier. Abdullah ibn Amr, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les signes sont des perles qui se suivent dans un collier. Si l'on coupe le collier, elles se suivent en tombant les unes les autres. Ce que je crois, et Allah sait mieux, c'est que les signes dont il est question ici sont les grands signes, car le contexte apparent de ces hadiths prouve leur apparition avec une grande proximité. » Cela est aussi appuyé par ce que nous avons cité concernant le classement des grands signes de la fin des temps, à savoir que des hadiths mentionnent que certains signes se produiront dans un intervalle très court. Le premier des grands signes après le Mahdi est l'apparition du faux Messie, puis la descente de Isa, alayhi salam, pour le tuer, puis l'apparition de Ya'juj et Ma'juj, l'invocation de Isa, alayhi salam, contre eux, et leur anéantissement par Allah Azawajel, suivi de ses propos de Isa, alayhi salam. Et parmi ce que mon Seigneur Azawajel m'a révélé, est que lorsque cela sera ainsi, l'heure sera comparable à une femme enceinte à terme, dont les proches ne savent guère quand elle les surprendra par l'enfantement, la nuit ou le jour. Apporté par Ahmed. Cela prouve bien la proximité imminente de l'heure, car entre la mort de Isa, alayhi salam, et la venue de l'heure, il n'y a que quelques grands signes tels que le lever du soleil de son couchant, l'apparition de la bête, la fumée et l'apparition du feu qui rassemblera les gens. Ces signes se dérouleront en un temps très court avant la venue de l'heure, comparable en cela au collier qui se casse, et Allah Azawajel est plus savant. J'ai trouvé de quoi étayer mes dires. En effet, l'érudit Ibn Hajar Rahimahullah dit « Il est prouvé que les signes majeurs sont comparables à un collier. S'ils se cassent, les perles se répandent avec vitesse, ceci est rapporté par Ahmed. » Le Mahdi. À la fin des temps, un homme issu de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaîtra. Allah azawajal, par son biais, donnera la suprématie à la religion. Il règnera 7 ans et emplira la terre de justice, tout comme elle avait été le théâtre de l'injustice et l'iniquité. La communauté connaîtra à son époque des bienfaits jamais encore connus auparavant. La terre fera pousser sa végétation, le ciel fera tomber sa pluie et on donnera l'argent à profusion. Ibn Kathir rahimahullah dit « À son époque, les fruits seront nombreux, les cultures et les biens abondants, le pouvoir dominant, la religion établie, l'ennemi abattu et le bien constant en son temps. » Son nom et sa description. Cet homme a le même nom que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le nom de son père est identique à celui du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il s'appelle Muhammad ou Ahmed ibn Abdillah. Il est de la descendance de Fatima, la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Plus précisément de la descendance de Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu an. Ibn Kathir, rahimahullah, dit au sujet du Mahdi, il s'agit de Muhammad ibn Abdillah, l'Alawite, le Fatimide, le Hassanide. Sa description rapportée dans les textes est qu'il a le front dégarni et le nez aquilin. Le lieu de son apparition. Le Mahdi apparaîtra du côté de l'Orient. Tauban, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Trois personnes, tous fils de calife, combattront auprès de votre trésor, mais il n'ira à aucun d'entre eux. Puis apparaîtront les drapeaux noirs du côté de l'Orient. Ils vous tueront comme jamais un peuple ne fut tué. » Il cita ensuite quelque chose que je n'ai pas retenu et dit après « Et lorsque vous le verrez, faites-lui serment d'allégeance, même en rampant sur la neige, car il est le calife d'Allah bien guidé. » Ibn Kathir, rahimahullah, dit « Le trésor dont il est question dans ce contexte est le trésor de la Kaaba. Trois fils de calife combattront pour s'en emparer et à la fin des temps apparaîtra le Mahdi. Son apparition se fera dans l'un des pays d'Orient, pas de la grotte de Samoura, comme le prétendent les ignorants parmi les chiites, disant qu'il y est déjà présent et attendant sa sortie à la fin des temps. Ce n'est que la manifestation de délire et une forme accentuée de désappointement émanant du diable. Car il n'y a aucune preuve ou argument pour cela, ni du livre, ni de la sunna, ni de la raison, ni même d'un amendement. Il dit également, il sera soutenu par des gens de l'Orient. Ils lui porteront secours et assoiront son pouvoir et son autorité. Leurs drapeaux seront également noirs, apparat ayant trait au respect, car le drapeau du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était noir. On l'appelait Al-Iqab. Tout ceci pour dire que le Mahdi, loué et annoncé pour la fin des temps, fera son apparition et sa sortie du côté de l'Orient. On lui fera allégeance dans la demeure sacrée comme le prouvent certains ahadiths. Les preuves dans la sunna de son apparition. Les ahadiths authentiques prouvent l'apparition du Mahdi. Certains de ces textes évoquent le Mahdi, tandis que d'autres se contentent uniquement de faire sa description. Je vais ici en citer quelques-uns qui suffisent pour prouver son apparition à la fin des temps en tant que l'un de ses signes. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le Mahdi apparaîtra à la fin de ma communauté. Allah lui donnera la pluie, la terre fera pousser sa végétation, on distribuera les biens équitablement, le bétail se multipliera et la communauté atteindra son apogée. Il demeurera 7 ou 8 années. » Il rapporte également que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je vous annonce la venue du Mahdi qui sera envoyé entre divergences parmi les gens et tremblements de terre. Alors il emplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle fut emplie d'injustice et de tyrannie. L'accepteront l'habitant du ciel et celui de la terre, il distribuera les biens véritablement. » Un homme demanda alors « Que signifie véritablement ?»« Équitablement entre les gens, » répondit-il. Il continua. Et Allah emplira les cœurs de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de richesses. Sa justice les couvrira au point qu'il ordonnera à un héros de crier « Qui a besoin d'argent ?» Personne ne se lèvera, sauf un homme à qui l'on dira « Va trouver le trésorier et dis-lui que le Mahdi t'ordonne de me donner de l'argent. » Il lui dira « Puise de tes mains. » Lorsqu'il le mettra sur ses genoux et regardera bien ce qu'il a pris, il regrettera en disant « Je possède l'âme la plus cupide au sein de la communauté de Muhammad. Ne me suffit-il donc pas ce qui leur convient ? » Il le rendra, mais on ne l'acceptera pas de lui. Il lui sera dit que nous ne reprenons rien de ce que nous donnons. Il en sera ainsi durant 7 années ou 8 années ou 9. Mais par la suite, il n'y aura aucun bien dans la vie. Apporté par Ahmed. Cela prouve qu'après la mort du Mahdi, le mal apparaîtra ainsi que les grands troubles. Ali, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Mahdi est des nôtres, gens de la demeure. Allah le parfera en une nuit. » Ibn Kathir rahimahullah dit « C'est-à-dire qu'il acceptera son repentir, lui accordera la réussite, l'inspirera et le guidera alors que ce n'était pas le cas. » Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Mahdi est des miens. Il a le front dégarni et le nez aquilin. Il emplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle avait été le théâtre de l'injustice et la tyrannie. Il régnera 7 années. » Salama, radiyallahu anha, rapporte qu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Le Mahdi est de ma descendance, des enfants de Fatima. » Jabir, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Isa ibn Maryam descendra et leur chef, le Mahdi, dira « Viens et guide notre prière. » Mais il répondra « Non, les uns sont les chefs des autres. Honneur fait par Allah à cette communauté. » Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui derrière qui Isa ibn Maryam priera est des nôtres. » Abdallah ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le monde ne disparaîtra pas ou ne prendra pas fin jusqu'à ce que règne sur les Arabes un homme des membres de ma famille dont le nom est identique au mien. » Et dans une autre version, « dont le nom est identique au mien et le nom du père est identique à celui de mon père. » Hadith dans les deux sahihs traitant du Mahdi. Abu Huraira radiyallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Comment serez-vous lorsque le fils de Maryam descendra parmi vous et que votre imam sera des vôtres ?» Jabir ibn Abdillah, radiyallahu an, rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Un groupe parmi ma communauté ne cessera de combattre pour la vérité, victorieux jusqu'au jour de la résurrection. » Il ajouta « Alors, Isa ibn Maryam, alayhi salam, descendra et leur émir dira « Viens et dirige notre prière. » Mais il répondra « Non, vous êtes les uns chefs des autres, honneur fait par Allah à cette communauté. » Jabir ibn Abdillah, radiyallahu an, rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Il y aura à la fin de ma communauté un calife qui donnera les biens à profusion et sans compter. Al-Jurayri, l'un des transmetteurs du hadith, dit: Je demandais à Abu Nadra et Abu al-A'la: Croyez-vous qu'il s'agisse de Omar ibn Abdelaziz? Non, répondirent-ils. Ainsi, ces textes rapportés dans les recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim prouvent deux choses. La première est qu'au moment de la descente de Isa alayhi salam du ciel, celui qui aura le pouvoir sur les musulmans sera un homme d'entre eux. La seconde, la présence de leur émir pour la prière. Le fait qu'il guide la prière des musulmans et sa demande adressée à Isa alayhi salam après sa descente pour qu'ils s'avancent et dirigent leur prière indique la vertu de cet émir et qu'il est bien guidé. Même si le terme Mahdi n'y est pas explicitement mentionné, les ahadiths indiquent les caractéristiques d'un homme vertueux qui dirigera les musulmans en ce temps. D'autres ahadiths ont été rapportés dans les Sunan, les Musnad et autres, expliquant ces textes rapportés par Al-Bukhari et Muslim et prouvant que cet homme vertueux s'appelle Muhammad ibn Abdillah, que l'on surnomme le Mahdi. En effet, certains textes de la Sunna en expliquent d'autres. Parmi les ahadiths qui prouvent cela, il y a celui d'Al-Harith ibn Abi Usama selon Jabir, radiyallahu an, que nous avons déjà vu. Isa ibn Maryam descendra et leur chef, le Mahdi, dira: Ceci prouve bien que le chef cité dans le Sahih Muslim, qui demandera à Isa alayhi salam de s'avancer pour diriger la prière, est surnommé le Mahdi. Le Shir, Siddiq Hassan, cita dans son livre Al-Idra'a un grand nombre de hadiths traitant du Mahdi. Il fit en sorte que celui de Jabir, qui est rapporté par Muslim, soit le dernier et dit ensuite: On n'y mentionne pas le Mahdi. Toutefois, on ne peut l'interpréter, ainsi que d'autres hadiths similaires, en disant qu'il s'agit d'un autre que le Mahdi attendu, comme l'indiquent les informations précédentes et les nombreux textes. La notoriété des ahadiths relatifs au Mahdi. Les ahadiths que j'ai cités précédemment et d'autres que je n'ai pas mentionnés ici, de peur de faire trop long, indiquent la notoriété de sens des textes concernant le Mahdi, ce qu'on appelle At-Tawatur al-Marnawi. Chose qu'ont souligné certains imams et savants dont je vais citer quelques paroles. L'érudit Abul Hassan al-Abiri, rahimahullah, dit: Les informations d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont notoires et abondent en mentionnant le Mahdi, qu'il fait partie des gens de la demeure, qu'il règnera 7 ans, qu'il propagera l'équité sur terre, que Isa alayhi salam sortira et l'aidera à tuer le faux messie, qu'il guidera cette communauté dans la prière et que Isa alayhi salam priera derrière lui. Muhammad al-Barzanji dit dans son livre Al-Isha'a li Ashrati Sa'a, le troisième chapitre concerne les signes importants et événements précurseurs proches qui seront suivis de l'heure. Ceux-ci sont nombreux, parmi eux, il y a le Mahdi qui est le premier. Sache d'ailleurs que les ahadiths le concernant, aussi diverses soient leurs versions, sont pratiquement illimités. L'éminent savant Muhammad al-Safarini dit: Nombreux sont les récits concernant son apparition, celle du Mahdi, au point qu'ils ont atteint le degré de notoriété de sens. Cela s'est répandu parmi les savants de la Sunna, si bien que cela compte parmi leurs croyances. Ensuite, il cita quelques ahadiths et textes concernant la sortie du Mahdi, ainsi que les noms de certains compagnons qui les ont rapportés. Puis il dit: Il a été rapporté par ceux qui ont été cités parmi les compagnons et parmi ceux qui ne l'ont pas été. De même que des tabi'in après eux, il fut rapporté en plusieurs versions, dont l'ensemble induit la science catégorique. La foi en la sortie du Mahdi est donc obligatoire, comme il a été établi chez les gens de science et consigné dans les professions de foi des gens de la Sunna et de l'unité. Al-Shawkani rahimahullah dit: Les ahadiths qu'il nous a été permis de trouver concernant la notoriété de ce qui a été rapporté au sujet du Mahdi sont au nombre de 50. Il en est qui sont authentiques ou faibles et d'autres faibles, mais pouvant être fortifiés. Ils sont notoires sans le moindre doute et sans la moindre équivoque. D'ailleurs, on peut qualifier ce qui est moins répandu de notoire selon toutes les terminologies retranscrites dans les fondements du hadith et de la jurisprudence. Quant aux récits transmis par les compagnons mentionnant le Mahdi, ils sont également très nombreux. Ils sont de l'ordre de ce qui est imputé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce domaine ne donne lieu à aucun effort d'interprétation juridique. Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, dit: Les ahadiths rapportés à son sujet, le Mahdi, malgré leurs différentes versions, sont très nombreux. Ils atteignent le degré de notoriété de sens. Ils se trouvent dans les sunnans et autres recueils de l'islam tels que les mu'jam et les masanid. Le shaykh Muhammad ibn Ja'far al-Katani dit « En bref, les ahadiths relatifs au Mahdi attendus sont notoires, de même que ceux concernant l'imposteur et la descente de notre maître Isa ibn Maryam, alayhi salam. » Les savants qui ont écrit des livres sur le Mahdi, en plus des célèbres recueils de ahadith tels que les quatre sunan et des masanid tels que Musnad Ahmed, Musnad al-Bazar, Musnad Abi Ya'la, Musnad al-Harith ibn Abi Usama, Mustadrak al-Hakim, Musanaf ibn Abi Shayba, Sahih ibn Khuzayma et autres ouvrages dans lesquels sont cités des ahadiths relatifs au Mahdi, un groupe de savants ont écrit des livres spécialement dédiés au Mahdi attendu, dans lesquels ils ont mentionné un grand nombre de ahadiths le concernant. Parmi ces écrits, l'érudit Abu Bakr ibn Abi Khaythama compila les ahadiths relatifs au Mahdi, comme l'a cité Ibn Khaldun dans sa Muqaddima d'après As-Suhayli. As-Suyuti, rahimahullah, composa un opuscule qu'il intitula Al-Urf al-Wardi fi Akhbar al-Mahdi. L'érudit Ibn Kathir, rahimahullah, mentionna dans son livre An-Nihaya wal-Fitan wal-Malahim qu'il dédia un opuscule à part au Mahdi. Ali al-Muttaqi al-Hindi, rahimahullah, a une épître concernant le Mahdi. Ibn Hajar al-Mekki a un livre qu'il intitula Al-Qawl al-Mukhtasar fi Alamat al-Mahdi al-Muntazar. Moula Ali al-Qari, rahimahullah, a un livre intitulé Al-Mashrab al-Wahdi fi Madhhab al-Mahdi. Mar'i ibn Yusuf al-Hambali écrivit Fawaid al-Fikar fi Zuhur al-Muntazar. Al-Shawkani, quant à lui, rahimahullah, écrivit At-Tawdih fi Tawatur Maja'a fi al-Mahdi al-Muntazar. Et quant à Sidik Hassan, rahimahullah, dit L'éminent savant Badr al-Milla al-Munir Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamani compila des hadiths confirmant l'apparition du Mahdi de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il se manifestera à la fin des temps. Les négateurs des ahadiths du Mahdi et leur réfutation. J'ai précédemment cité une partie des ahadiths authentiques qui prouvent clairement l'apparition du Mahdi à la fin des temps en tant que juge équitable et imam juste. J'ai cité quelques propos des savants qui ont souligné le caractère notoire des ahadiths du Mahdi, de même que certains ouvrages qu'ont rédigés les savants à son sujet. Il est triste que certains écrivains contemporains dénigrent l'apparition du Mahdi, décrivent les ahadiths à ce sujet comme contradictoires et faux, et prétendent que le Mahdi n'est qu'une légende inventée par les chiites qui s'est immiscée par la suite dans les livres des gens de la Sunna. Certains de ces écrivains ont été imprégnés de la vie connue d'Ibn Khaldun, le chroniqueur, au sujet de l'affaiblissement des ahadiths du Mahdi, malgré qu'Ibn Khaldun ne figure pas parmi l'élite dans ce domaine, en sorte d'accepter son avis dans l'authentification et la réfutation. Malgré cela, il dit, après avoir passé en revue de nombreux ahadiths sur le Mahdi et dénigré de nombreuses chaînes de transmission, c'est un ensemble de hadiths rapportés par les imams concernant le Mahdi et son apparition à la fin des temps. Ceci, comme tu as pu le constater, n'échappe guère à la critique, sauf quelques-uns ou encore moins. Ces propos indiquent que peu de hadiths ont échappé à son dénigrement. Mais nous disons, si un seul hadith est authentique, cela suffit comme argument au sujet du Mahdi. Qu'en est-il alors que les hadiths à ce propos sont authentiques et notoires? Le shir, Ahmed Shakir, rahimallah, dit en réfutant Ibn Khaldun, Ibn Khaldun n'a pas bien assimilé la parole des savants du hadith, la récusation prévaut sur l'agrément. S'il avait pris connaissance de leurs paroles et les avait comprises, il n'aurait rien dit de ce qu'il a dit. Il se peut qu'il ait lu et su, mais il voulait affaiblir les ahadiths du Mahdi dominés par l'opinion politique à son époque. Ensuite, il explique que ce qu'a écrit Ibn Khaldun, rahimahullah, à ce sujet concernant le Mahdi est plein d'erreurs dans les noms des transmetteurs et la mention des défauts. Il lui trouve des excuses en disant que cela pourrait provenir des scribes et de la négligence des correcteurs, et Allah sait mieux. Pour faire court, je vais citer ce qu'a dit le shaykh Mohamed Rashid Rida concernant le Mahdi. C'est un exemple type de ceux qui ont réfuté les ahadiths du Mahdi. Il dit « Quant au caractère contradictoire au niveau des ahadiths du Mahdi, cela est encore plus fort et manifeste Concilier les versions est d'autant plus difficile. Ceux qui les rejettent sont plus nombreux et l'équivoque à leurs propos est d'autant plus manifeste. C'est pour cela que les deux shéirs n'ont tenu compte d'aucune de ces versions dans leurs deux sahih. Elles furent la source de grandes corruptions et de troubles au sein des peuples islamiques. Il cite ensuite quelques exemples de contradictions dans les hadiths du Mehdi et leurs erreurs comme il prétend, parmi ceux-là. Les versions les plus célèbres au sujet de son nom et de celui de son père selon les gens de la Sunna indiquent que c'est Muhammad ibn Abdillah et dans une autre version c'est Ahmed ibn Abdillah. Les chiites imamites sont d'accord pour dire que c'est Muhammad ibn al-Hassan al-Askari. Ils sont les 11e et 12e parmi leurs imams infaillibles. Ils sont surnommés la preuve, celui qui demeure et l'attendu. Les Kisanites prétendent que le Mehdi est Muhammad ibn al-Hanafiyya, qu'il est vivant et réside dans la montagne de Ridwa. Il dit « Il est connu de son ascendance qu'il est alawite fatimite parmi les enfants d'Al-Hassan. Dans certaines versions, parmi les enfants d'Al-Hussein, ce qui corrobore l'avis des chiites imamites. Il y a de nombreux ahadiths qui stipulent clairement qu'il est des enfants d'Al-Abbas. Il cite ensuite que de nombreuses histoires juives ont été introduites dans les livres de hadith. De même, les sectarismes des alawites, des abbassides et des perses ont joué un grand rôle dans l'invention de nombreux ahadiths concernant le Mehdi, chaque partie prétendant qu'il en fait partie. Les juifs et les perses ont propagé ces versions afin d'anesthésier les musulmans pour qu'ils s'en remettent à l'apparition du Mehdi grâce à qui Allah Azawajel soutiendra la religion et qui propagera la justice dans ce monde. On répondra à ce qu'a dit le Sheikh Rashid Rida, que les versions concernant l'apparition du Mehdi sont authentiques et notoires par le sens, comme il a précédemment été vu. Quant à la prétention que les deux shéirs n'ont tenu compte d'aucun hadith au sujet du Mehdi, nous disons « La sunna tout entière n'a pas été retranscrite dans les deux sahih uniquement. De nombreux hadiths authentiques ont été rapportés ailleurs dans les sunnades, les masanides, les ma'ajim et d'autres ouvrages de hadith. » Ibn Kathir, rahimahullah, dit « Al-Bukhari et Muslim ne se sont pas fixés de rapporter l'ensemble des hadiths jugés authentiques. Ils ont authentifié des hadiths qui ne se trouvent pas dans leurs ouvrages, comme le mentionne At-Tirmidhi et d'autres. À savoir qu'Al-Bukhari a authentifié des hadiths qui ne sont pas dans son livre, mais dans les Sunan et autres. Quant au fait que de nombreuses narrations juives ont été mêlées aux hadiths et que d'autres sont une invention des chiites et d'autres sectes, ceci est vrai. Mais les imams du hadith ont démontré ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Ils ont rédigé des ouvrages au sujet des inventions et ont clairement montré les versions faibles. Ils ont posé des règles minutieuses au sujet du jugement porté sur les transmetteurs en sorte que tout innovateur ou menteur soit démasqué. Ainsi, Allah Azawajel a préservé la sunna des manipulations des manipulateurs, de la falsification des exagérateurs et des inventions des imposteurs. Telle est la préservation d'Allah envers cette religion. S'il y a des versions qui ont été forgées au sujet du Mehdi par sectarisme, cela ne doit pas nous pousser à délaisser les versions authentiques à son propos. Ces versions authentiques font mention de sa description, son nom et celui de son père. Aussi, si une personne désigne un individu en prétendant qu'il est le Mehdi, sans être appuyé sur les ahadiths authentiques, cela ne doit pas conduire à renier l'existence du Mehdi d'après ce qui est cité dans les ahadiths. D'ailleurs, le véritable Mehdi n'a nul besoin que quiconque appelle à le suivre. C'est Allah Azawajel qui le fera venir aux gens quand il le voudra, ils le connaîtront selon les signes qui le désignent comme tel. Quant à la prétention de contradiction, elle découle de versions qui ne sont pas authentiques. Pour ce qui est des ahadiths authentiques, ils ne connaissent aucune contradiction, qu'Allah en soit loué. De plus, la divergence des chiites avec les gens de la sunna n'est pas prise en compte. Le juge arbitre est le Coran et la sunna authentique. Quant aux histoires des chiites et leurs erreurs, il n'est pas permis d'en tenir compte pour réfuter ce qui est confirmé dans les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'érudit Ibn al-Qayyim rahimahullah dit à propos du Mehdi « Quant aux Rafidites imamites, ils ont un quatrième avis qui est que le Mehdi est Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, l'attendu parmi la descendance d'Al-Hussein ibn Ali et non de celle d'Al-Hassan. Il est présent dans les villes, caché des yeux. Il héritera du bâton et portera un anneau d'argent. Il est entré dans la grotte de Samoura petit garçon, il y a plus de 500 ans. Après cela, personne ne l'a vu et aucune information ni récit n'a été transmis. Alors qu'ils l'attendent chaque jour, Ils se tiennent debout sur un cheval à la porte de la grotte et crient pour qu'ils sortent. « Sors, ô maître ! Sors, ô maître !» C'est alors qu'ils s'en retournent privés et avilis. Telle est leur habitude. Ceux-ci sont une honte pour les fils d'Adam et une risée dont se moque tout être sensé. Le hadith, point de Mahdi sinon Isa ibn Maryam, et la réponse à ce sujet. Certains négateurs des hadiths du Mahdi se sont basés sur le hadith rapporté par Ibn Majah et Al-Hakim d'après Anas ibn Malik, radiyallahu an, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « L'affaire n'en sera que plus difficile, le monde plus hostile, les gens plus avares et l'heure ne se dressera que sur les pires gens. » Point de Mahdi sinon Isa ibn Maryam. Ce hadith est faible, car il tourne autour de Muhammad ibn Khalid al-Jundi. Al-Dhahabi rahimahullah dit, selon Al-Asdi, son hadith est réprouvé. Abu Abdillah al-Hakim dit, il est méconnu. Je dis, son hadith, point de Mahdi sinon Isa ibn Maryam, est une information réprouvée rapportée par Ibn Majah. Le shir de l'islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit, ce hadith est faible. Abu Muhammad ibn al-Walid al-Baghdadi et d'autres se sont basés dessus, mais ce n'est pas chose sur laquelle on puisse le faire. Il est rapporté par Ibn Majah, d'après Yunus, d'après Al-Shafi'i, et Al-Shafi'i le rapporte d'après un homme du Yémen appelé Muhammad ibn Khalid al-Jundi. Il figure parmi ceux dont on ne peut se fier. Cela ne se trouve pas dans le Mousnad d'Al-Shafi'i. On dit d'ailleurs qu'Al-Shafi'i ne l'a pas entendu d'Al-Jundi et que Yunus ne l'a pas entendu d'Al-Shafi'i. Abu Abdillah al-Qurtubi dit... Cela peut vouloir dire qu'il n'y a pas de Mahdi complet et infaillible autre que Isa. De ce fait, les ahadiths sont conciliés et la contradiction est levée. À supposer qu'ils soient authentiques, ils ne vaut rien en présence des nombreux ahadiths authentiques concernant le Mahdi qui ont des chaînes de transmission plus fortes que celles de ce hadith au sujet duquel les avis des savants divergent quant à son authenticité ou pas. Et Allah sait mieux.